Sanganino. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 15 mai 2020 et voici les grands titres de cette édition. 5 personnes dont le directeur du lycée communal de Rouzira en commune Matana de la province Bururi sont dans les mains de la police de Matana. Ils ont été arrêtés entre le 6 et le 12 mai dernier. La police enquête sur un cas de vol d'autol commis à Rouzira. Et puis, la montée des eaux du lac Tanganyika n'a pas épargné la route nationale numéro 3 depuis le matin de ce samedi. Cette route et la route de Mukungu est impraticable pour les moyens et grands véhicules au niveau de Mukungu en commune Nyanzalak de la province de Makamba. Et le taux de femmes qui accouchent à domicile en province sanitaire de Kayanza s'élève à 35% selon le chargé de l'information, éducation et communication au programme national de santé de la reproduction. Dans ce journal, en actualité internationale, depuis lundi, les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les bombardements ont tué 10 personnes d'une même famille palestinienne ce samedi 15 mai à Gaza. Le dernier bilan fait état de 126 morts dans les raids aériens sur l'enclave palestinienne. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Et pour ouvrir ce journal, la population de la province de Kirundo a déjà payé les frais de viabilisation en 2013 sur la vente du retard de l'octroi des parcelles. Certains ont payé plus de 2 millions et signalent qu'ils ont fait une perte énorme, surtout que la plupart avaient contracté des dettes, des crédits auprès des banques. Au niveau du service de l'urbanisme à Kirundo, l'on affirme avoir déjà dressé le plan de parcellisation, mais qu'ils attendent les autorités administratives pour aller défendre ensemble le projet auprès du ministère en charge des infrastructures. Correspondance d'Abraham Safari. En 2013, c'est là où ils ont payé des frais de viabilisation. Ce sont certains des fonctionnaires de la province de Kirundo, les commerçants et autres. À partir de cette année, ils n'ont pas su la destination de ces frais, sauf qu'ils les ont versés sur le compte ouvert à la Banque de la République du Burundi, agence Tongozi. Ils continuent en disant qu'on leur disait de verser ces frais le plus rapidement possible, car les machines qui devraient tracer les routes sont déjà prêtes. Certains ont versé plus de 2 millions, les autres moins de ça, et ils se lamentent en disant qu'ils ont énormément perdu car ils avaient contracté des dettes auprès des banques. Il a fallu, continuent ces gens, qu'ils se débrouillent autrement pour avoir d'autres crédits afin d'acheter d'autres parcelles et de construire des maisons d'habitation. Dans le service de l'urbanisme à Kirundo, son responsable fait savoir que la question est déjà connue. D'ailleurs, ajoute ce responsable, un plan de parcellisation est déjà fait. Il ne reste que le défendre auprès du ministère étant avec l'administration provinciale. Toutefois, ajoute encore, ceux qui ont payé ces frais de parcellisation doivent connaître qu'ils vont ajouter de l'argent car les frais de viabilisation ont été revus à la hausse. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci à moi, Safari. Et en bref, la montée des eaux du lac Tanganyika n'a pas épargné la route nationale numéro 3 depuis le matin de ce samedi. Cette route est impraticable pour les moyens et grands véhicules au niveau de Mukungu en commune Nyanzalak de la province Makamba. Un camion qui transportait environ 50 tonnes de marchandises qui s'est embourbé à ce niveau, coupant ici la circulation. Et c'est un endroit dangereux suite au mauvais état de cette route. L'inondation du lac Tanganyika ayant ajouté du drame au drame peuvent difficilement continuer la circulation à ce niveau. Seulement les véhicules de type Probox. Et au moment où certains usagers de cette route demandent à cet effet que ce camion soit dégagé, d'autres trouvent plutôt qu'il faudrait mieux d'abord décharger ce camion, sinon il peut tomber dans le lac Tanganyika vu qu'il est juste au bord. Ce véhicule fait le deuxième camion coincé à ce niveau au cours de cette semaine. Une personne est décédée au cours de cette nuit suite au coup lui infligé dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est sur la colline Murengeza, en commune Manda, dans la province de Bubanza. Les témoins sur place indiquent que ce jeune homme surnommé Rasta et qui porte le nom de Chongera a été accusé d'avoir volé du maïs dans un champ et il a été sérieusement tabassé. C'est par après que, dans un état très critique, selon la même source, il a été conduit sur une position policières. Les policiers ont refusé de l'accueillir, dans un état pareil, comme le précise le témoin Amourengueza. Et Olan a retrouvé mort ce samedi matin, tout près du bâtiment de la zone. Il a été par la suite inhumé ce samedi même. Le chef de colline Amourengueza, tout comme l'administrateur de la commune Mhanda, tous expliquent que les auteurs du crime ne sont pas encore identifiés, que les enquêtes ont déjà commencé. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, le projet de la loi des finances exercice 2021-2022 a été adopté hier par l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi, il est intégré des recettes qui vont être utilisées pour l'achat des matelas, notamment pour les élèves internes et l'achat des bancs pupitres. C'est un reportage de Jean de Dieu Irakodze. Dans ce projet de loi portant fixation du budget général de l'État pour l'exercice 2021-2022, projet adopté par les députés ce vendredi, il est prévu 34 milliards de francs burundais dédiés à la politique d'ajustement salarial, comme l'indique Domitien Ndihakubwayo, ministre en charge du budget. Dans l'objectif de mettre en application la politique salariale, il est prévu actuellement 34 milliards. Cela arrive au moment où le gouvernement a totalisé 80 milliards durant ces quatre dernières années pour la correction des disparités salariales. Il est prévu en outre une ligne budgétaire pour l'achat des équipements, dont les matelas et bancs pupitres pour les écoles à régime d'internat et écoles fondamentales. Ce député demande l'assurance que désormais les élèves ne seront plus exigés d'acheter du matelas et bancs lors de la rentrée scolaire prochaine. Nous voyons la ligne budgétaire pour les équipements dans les écoles publiques à régime d'internat. 300 millions sont prévus pour achat des lits, matelas et autres. Nous voyons aussi une ligne de plus d'un milliard. C'est cette somme qui revient dans le budget de l'exercice prochain. Monsieur le ministre, vous nous rassurez qu'aucun parent ne sera obligé de payer matelas ou banc pupitre. Sur cette question, le ministre Domitien Ndihakubwayo promet d'amorcer des échanges avec celui en charge de l'éducation pour trouver une solution. Merci Jean de Dieu. On passe maintenant à quelques nouvelles brèves en actualité internationale. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur l'actualité nationale. L'île de Lampedusa a vu le nombre d'arrivées exploser depuis le début de l'année 2021. Près de 70 migrants, pour la plupart mineurs, récemment arrivés sur l'île italienne de Lampedusa, ont été transférés vers l'île de la Sicile. Ce vendredi, il y a encore une semaine, plus de 2000 personnes ont été débarquées sur l'île en seulement quelques jours. Une situation qui avait poussé le gouvernement italien à demander aux pays membres de l'Union européenne de faire preuve de solidarité face à l'afflux de migrants sur son territoire. Ces cinq derniers mois, ce sont presque 13 000 personnes parties des côtes d'Afrique du Nord qui auraient rejoint l'Italie, selon le ministère de l'Intérieur. Trois fois plus que sur la même période en 2019. Et depuis lundi, les affrontements entre Israël et le Hamas se poursuivent. Les bombardements ont tué 10 personnes d'une même famille palestinienne ce samedi 15 mai à Gaza. Le dernier bilan fait état de 126 morts dans les raids aériens sur l'enclave palestinienne, 10 morts dans des heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie et 9 morts côté israélien. Afin d'entamer des pourparlers, et tenter de trouver une solution diplomatique à cette crise, le haut responsable du département d'État américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, Hadi Amr, est arrivé ce samedi au Proche-Orient. Il doit rencontrer des dirigeants israéliens à Jérusalem avant de se rendre en Cisjordanie occupée pour des entretiens avec des responsables palestiniens. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le conseil communal de la commune Mukaza interpelle tous ceux qui ont des véhicules vieux qui sont garés au terrain des jeux des enfants au quartier en Jabé, en mairie de Bujumbura, de les dégager. Les parents dont les enfants utilisaient ce terrain apprécient cette mesure et disent qu'ils l'aidaient dans l'encadrement de leurs enfants en vacances. Annick Nsabimana, présidente du conseil communal de Mukasa, dit que l'aménagement de ce terrain vient juste pour aider les enfants à regagner leur terrain pour continuer à acquérir d'autres connaissances. On fait le point avec Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains des parents habitant au quartier Jabé, à mairie de Bujumbura. Ils apprécient l'aménagement du terrain utilisé par leurs enfants pendant les vacances. Arrivés à ce terrain, les véhicules vétustes sont garés dans ce terrain, ce qui n'intéresse pas les parents qui affirment que leurs enfants n'ont pas d'autre terrain pour jouer. Ces parents affirment aujourd'hui qu'ils sont contents de voir les autorités administratives, à savoir le conseil communal et Mukasa, pour cette initiative de mener les travaux d'aménagement sur ce terrain. Je suis très bien content. On a accueilli ces travaux en beau et difforme. Et on a remercié les gens qui ont pensé à ce terrain. Parce qu'auparavant, le terrain était un terrain, très bon terrain pour les enfants. Les enfants, ils jouaient comme, ils jouaient le football comme des autres équipes. Ici, il y avait un terrain. Mais comme ça passait du temps, les gens, chacun a mis son véhicule, ils ont commencé à réparer le véhicule ici, mais ça a été très très mauvais. Ils demandent d'être soutenus pour que ce terrain soit bien aménagé afin que leurs enfants commencent à l'utiliser. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement nous aide, par exemple, s'il peut nous donner des comme 30 bennes de gravier, de terre, comme ça le terrain va monter en haut et l'eau va par contre descendre dans les caniveaux. Comme ça, on peut préparer comme auparavant, on met la distance où les enfants peuvent jouer comme auparavant. Annick Nsabimana, présidente du conseil communal de Mukasa, demande à tous ceux qui ont placé leurs véhicules dans ce terrain de les enlever pour que les enfants du quartier recommencent encore à organiser des jeux sur ce terrain de football. Ce terrain qui a beaucoup aidé dans le développement des jeunes garçons du quartier Jabé venait de passer plus de 10 ans sans être utilisé. Jean-Marie Mayonga, et je vous l'avais dit dans les titres, 5 personnes dont le directeur du lycée communal de Ruzira en commune Matana sont dans les mains de la police de Matana en province de Bururi. Elles ont été arrêtées entre le 6 et le 12 mai dernier. La police procède à ses enquêtes sur un cas de vol de tôle commis à Ruzira selon des sources locales. À la direction provinciale de l'enseignement à Bururi, l'on confirme être au courant de cette arrestation, mais l'on entend encore des détails sur les motifs. Jean-Pierre Miss. Deux veilleurs à l'Ekofo et lycée communal Ruzira en commune Matana ont été les premiers à être retenus à la police de Matana le 6 mai courant, selon des sources sur place à Ruzira. C'était, selon ces sources, au lendemain d'un vol de 24 tôles dans la salle des professeurs de ces écoles. Un vol débusqué par un veilleur de son retour d'un dîner qui a surpris les voleurs sur le point de les emporter. Dans cette soirée, on n'a pas compris par où étaient passés ces voleurs pour accéder dans cette salle des professeurs qui était pourtant bien fermée. Le constat du lendemain a fait état d'un manquant de 63 tôles. Les 24 tôles saisies la veille y comprises, des 197 tôles y stockées pour couvrir 3 salles de classe en construction dans le cadre de l'extension du lycée communal Ruzira. La poursuite des enquêtes a abouti à la saisie de 22 autres tôles chez certains des habitants des environs qui ont déclaré avoir collaboré avec le directeur du lycée communal de Ruzira, ce qui a été à l'origine de son arrestation ce 12 mai courant pour la poursuite des enquêtes selon des sources à Matana. Antoine Nsabiyumva, directeur provincial de l'éducation à Bururi, reconnaît avoir appris l'arrestation de son directeur, mais qu'il cherche encore à connaître la vérité dans ce dossier. Jean-Pierre Misago voudrait bien nous excuser pour ce petit manquement dans le nettoyage de ce reportage. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et vous en retiendrez, vous venez de l'entendre de la part de notre confrère Jean-Pierre Misago. 5 personnes dont le directeur du lycée communal de Ruzira en commune Matana sont dans les mains de la police à Matana. Et elles ont été arrêtées entre le 6 et le 12 mai dernier. La police procède à ses enquêtes sur un cas de vol de tôle commis à Ruzira. Et le projet de loi portant fixation du budget de l'État exercice 2021-2022 a été adopté ce vendredi par l'Assemblée nationale. Il prévoit 34 milliards pour ajustement salarial. Et ce projet de loi prévoit aussi une ligne budgétaire sur l'achat des équipements comme les matelas dans les écoles à régime d'internat ainsi que les bancs pupitres dans les écoles primaires. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Je vous retrouve tout de suite pour la revue de presse. Revue de la presse. Bienvenue à cette revue de presse. Les élèves de 9e année ne prennent pas au sérieux le choix de l'orientation au poste fondamental. S'indigne la voix de l'enseignant. Les élèves qui terminent le cycle fondamental ne prennent pas assez de temps pour choisir trois sections qu'ils désirent poursuivre au second cycle de l'enseignement secondaire. Au lieu de consulter les enseignants et les parents, ils font des choix au hasard qui ne tiennent pas compte de leurs aptitudes intellectuelles, écrit ce journal. Ils expliquent ce manque de concentration par le fait que la commission chargée de l'orientation dans le cycle post-fondamental ne tient pas compte de leurs choix. Les parents demandent aux enseignants d'aider les élèves à proposer des sections qu'ils sont en mesure de suivre avec succès et à la commission d'orientation de tenir compte des propositions dans la mesure du possible, conclut cet hebdomadaire de l'éducation. Le Sénat a adopté à l'unanimité le 12 mai le projet de loi portant réattribution des compétences de la Cour anticorruption, de son parquet général ainsi que celle de la brigade anticorruption. C'est ce que rapporte l'agence burundaise de presse. La ministre de la Justice a expliqué dans l'exposé des motifs que, jusqu'à maintenant, la répression de l'infraction de corruption et des infractions connexes était centralisée dans la seule institution judiciaire basée à Bujumbura, écrit toujours la BP. Selon ce confrère, Mme Jeannine Nibizi a précisé que la décentralisation des compétences en les réattribuant aux tribunaux de grande instance et cours d'appel est un moyen de permettre aux justiciables d'exercer les voies de recours possibles. Pour plus de précisions, note son confrère, elle a indiqué que des chambres spécialisées chargées de juger les auteurs de l'infraction de corruption et des infractions connexes seront instituées dans les tribunaux de grande instance et cours d'appel afin de rapprocher la justice pénale anticorruption aux justiciables. Revue de la presse. Culture d'exportation, le coton n'a plus la cote, constate le journal Iwachu, qui s'est fait expliquer par le directeur général de la COGERCO les problèmes que connaît cette entreprise agricole et qui font que le coton ne soit plus parmi les trois premières cultures d'exportation. Gustave Majambéré évoque dans les colonnes de cet hebdomadaire les perturbations climatiques, le rétrécissement des réserves cotonnières, le désintérêt des cotonculteurs. Et pour pallier ces défis, la COGERCO est en train de mener des essais d'adaptation du coton dans d'autres régions pour étendre les aires réservées à cette culture. C'est notamment à Tchankouzo. Pour le directeur général de la COGERCO, souligne l'hebdomadaire Iwachu, il y a lieu d'être optimiste avec le projet Cotton Victoria, exécuté dans trois pays de la région, dont le Burundi, le Kenya et la Tanzanie, en partenariat avec le Brésil, et qui vise le renforcement des capacités et l'échange d'expériences. Selon lui, rapporte toujours le journal Iwachu, l'augmentation du prix du coton à 700 francs burundais le kilogramme pour la prochaine campagne et la volonté des pouvoirs publics à booster ce secteur peuvent permettre de croire que la production sera revue à la hausse ces prochaines années. La hausse du prix des tomates inquiète plus d'un, constate Burundi Echo. Selon ce journal, on était habitué à entendre les cultivateurs de tomates s'inquiéter du fait qu'ils ont du mal à trouver un marché d'écoulement, surtout pendant la récolte, Désormais, la situation a été inversée. Les consommateurs lancent un cri d'alarme du fait que les tomates sont très chères. Actuellement, elles ne sont pas à la portée de toutes les bourses, écrit toujours cet hebdomadaire, qui rapporte les explications selon lesquelles cette pénurie serait due au fait que cette culture est attaquée par les chenilles légionnaires qui piquent les fruits pendant la période de maturité. Une fois piquées, les tomates commencent à pourrir. Toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, Lisabou fait savoir que les tomates se subdivisent en plusieurs variétés provenant surtout de l'extérieur. C'est à cet effet que beaucoup de cultivateurs de tomates ont des problèmes de recevoir des semences de qualité et préfèrent ressemer les tomates récoltées sans distinguer celles qui sont malades ou celles qui ne le sont pas. Même son de cloche chez La Disco, qui affirme que moins de 10% de la population utilise les semences améliorées pour raison de faible disponibilité. Selon Adisco, cité toujours par Burundi Echo, le pays devrait donc prendre le taureau par les cornes en développant des stratégies innovantes pour faire face à une question aussi préoccupante. La recherche devrait cesser de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et se mettre à l'écoute des paysans. Les stratégies que certains voudraient imposer en confiant leur multiplication des semences aux seuls entrepreneurs privés est en cul de sac, conclut cette ONG dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique. Ainsi se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.